Je marche d'avance, je marche d'avance sur les repas du monde. Ah oui, je marche sur les repas du monde. Je marche d'avance, je marche d'avance sur les repas du monde. Ah oui, sur les rebords du monde, je marche prudemment, je marche prudemment sur les rebords. Je marche, oh oui, je marche, je marche, je marche prudemment, je marche prudemment sur les rebords. Sur les rebords, je suis forcé de me cogner la tête pour entrer dans mon. Je suis forcé de me cogner la tête pour entrer dans mon corps. Seul, je tombe souvent dans le néant. Je dois poser les pieds sur le rebord, de peur de tomber dans le néant. Seul, je tombe souvent dans le néant. Je dois poser les pieds prudemment sur le rebord du monde, de peur de tomber dans le néant. Je suis forcé de me cogner la tête contre une porte bien dure pour me contraindre à rentrer dans mon propre corps. Dinapane.